de Nicolas Boileau, rien n'est beau que le vrai. Rien n'est beau que le vrai. Le vrai seul est aimable. Il doit régner partout, et même dans la fable. De toute fiction, la droite fausseté ne tend qu'à faire aux yeux briller la vérité. Sais-tu pourquoi mes vers sont lus dans les provinces, sont recherchés du peuple et reçus chez les princes? Ce n'est pas que leurs sons agréables, nombreux, soient toujours à l'oreille également heureux, qu'en plus d'un lieu le sens n'y gêne la mesure, et qu'un mot quelquefois n'y brave la césure. Mais c'est qu'en eux, le vrai, du mensonge vainqueur, partout se montre aux yeux et va saisir le cœur, que le bien et le mal y sont prisés au juste, que jamais un faquin n'y teint un rang auguste, et que mon cœur, toujours conduisant mon esprit, ne dit rien au lecteur qu'à soi-même il n'est dit. Ma pensée au grand jour partout s'offre et s'expose, et mon vers, bien ou mal, dit toujours quelque chose. Épître 9. Tu recueilles les épîtres.